Olá para você que está maravilhosamente me escutando hoje. Aqui quem fala é o Sabiá Linguarudo. Eu estou aqui para pagar um grande mico. Vou cantar bem devagarzinho uma canção da cantora quebequense Zahru, que se chama Dimá. Porque você bem sabe que aqui nos Linguarudos a gente não tem vergonha de nada e é capaz de fazer o possível e o impossível para que você fique contente com o seu nível de compreensão auditiva e de expressão oral no francês. Vamos lá? Toi qui me croyais vide son cœur, ton visage le connais par cœur. J'ai pas osé car j'ai eu peur de le dire, m'aurait porté malheur. T'es mon pire, t'es mon meilleur. Notre histoire est poussée à mer. Je porte le poids de mes erreurs. Toi ici et moi ailleurs. Si loin de toi, je t'oublie pas. Où je vais, je te vois. C'est comme si t'étais là, près de moi. J'étais dans la poédie, je pense à toi. Essa segunda parte vou cantar bem devagarzinho porque ela é mais difícil. Tous ces sentiments qui m'oppressent me trahissent, mais c'est tout ce qui me reste. Je cause du tort dès que je me sens testé, et mes caresses fines sont maladresses. T'es le matador et moi les taureaux blessés. Je t'adore et je te déteste. C'est un peu tard car le temps presse. Je fais face à ma détresse. Si loin de toi, je t'oublie pas. Où je vais, je te vois. C'est comme si t'étais là, près de moi. J'étais dans la poédie, je pense à toi. Dis-ma, dis-ma, dis-ma, même si tu n'es plus là, ta douleur est mienne et c'est elle qui me fait oublier le mal. Colérer me fait mal car au fond de moi-même je veux que tu me reviennes.